Au début, tout va bien. On est jeune, on est beau. On respire, on s'enivre. On est bien dans sa peau. Mais ce n'est pas la vérité. Et pas seulement ma vérité. Toute la vérité. Quand on est jeune, ça ne va jamais. On n'a pas la gueule qu'on voudrait. La fille qu'on aime, on aime à mieux. Alors on couche avec ce qu'on peut. Je ne suis pas ce que je suis. Ce que l'on croit, ce qu'on oublie. Je cours. Je ne suis pas ce que je suis. Ce que je suis. Un beau jour on s'arrête parce qu'on a fini. Mais la question qui reste, c'est qu'est-ce que j'oublie? Est-ce que j'ai dit la vérité? Et pas seulement ma vérité. Toute la vérité. Pourquoi j'ai cessé un beau jour de ne plus sourire, d'aimer l'amour? Comment perd-on ses illusions? Je ne l'ai pas dit dans mes chansons. Je ne suis pas ce que je suis, ce que l'on croit, ce qu'on vous dit. Je cours toujours derrière ma vie. Je ne suis pas ce que je suis. Édifice où tous les bonheurs coûtent un vice. Toutes ces pilules pour m'endormir, me faire pisser, me faire maigrir, jusqu'à ce que le cœur se casse. La peur de perdre la main qui passe. Et au bout de cette peur, il y a écrit: je ne suis pas ce que je suis.